Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté l'usine de kimchi du Gyeon, modèle et standard du genre de notre pays. Il a été accompagné des cadres responsables du Comité central du parti. Il a dit qu'il aurait été très content s'il était venu visiter l'usine avec le président Kim Il-sung et le dirigeant Kim Jong-il, qui n'avaient pas épargné leur peine pour l'industrialisation de la préparation de kimchi. Avec une profonde émotion, il a lu notamment les instructions de Kim Jong-il données sur le kimchi, exposées sur le mur du hall, et a vu la maquette panoramique montrant le paysage de préparation de kimchi en disant « C'est un tableau vivant ». L'idée du kimchi bien préparé me fait venir l'eau à la bouche. Il a fait le tour de l'usine pour se renseigner en détail des caractéristiques techniques des procédés de production et des équipements, de la variété et de la qualité des produits. Il a apprécié le système de production intégrale implanté à merveille de façon à réaliser au niveau élevé l'informatisation et la scientifisation de l'organisation de production, des activités gestionnaires et du contrôle de qualité en faveur de l'industrialisation de la production de kimchi. Et de continuer. Le monte-charge et le convoyeur vertical transportent de la cave des chutes et des navets. L'usine est munie suffisamment d'équipements modernes tels que les machines automatiques d'alimentation de chutes et de navets, la coupeuse de navets dont les morceaux sont assaisonnés avec du sel, de piment et de l'ail, la machine à laver des récipients, la machine d'alimentation d'épices, la machine à empaqueter sous vide, ce qui permet de réduire considérablement le travail manuel dans le transport, la coupage, le semurage et le lavage. C'est formidable. Les équipements hautement automatisés et robotisés sont conçus par nos scientifiques techniciens et fabriqués et installés par nos ouvriers. Les Coréens sont vraiment intelligents et talentueux avec des conceptions audacieuses. En vue de l'asepsie et du travail dans la salle blanche et de la sécurité hygiénique, les procédés de production et le couloir sont isolés l'un de l'autre et les salles de fermentation, de maturation et d'emballage sont liées aux procédés de finissage. Je suis content de la salle d'analyse et d'expérimentation dotée des équipements de pointe, notamment l'analyseur général de kimchi. Dans la salle d'échantillons, je vois les kimchi de différentes espèces préparées avec choux, navets, germes de soja et concombres, le kimchi nutritif pour enfants, radis en morceaux assaisonnés avec du sel, de piment et de l'ail, le semurage de navets et de champignons. Je suis satisfait de leur variété, des dessins de marques et de l'emballage. Les travaux de réaménagement de l'usine ont montré qu'il faut renforcer l'accord tripartite des secteurs des dessins, de construction et de gestion, y compris le plan des opérations technologiques suivi du dessin architectural, pour économiser les main-d'œuvre, les matériaux et fonds. À l'avenir aussi, il convient d'observer ce principe dans la construction des bâtiments industriels. En 6 mois seulement, l'usine a changé d'aspect complètement, ne laissant nullement son ancien aspect de l'année passée. Tous les procédés de production sont impeccablement disposés. De nos propres forces et techniques, nous avons mis sur pied une nouvelle usine moderne, parfaitement automatisée de façon étonnante, avec le travail à la chaîne. Elle mérite de s'en vanter en face du monde. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a souligné l'importance de la production de kimchi en accord avec le niveau de civilisation de notre peuple dans le développement de la culture gastronomique nationale. Il a recommandé au personnel de l'usine de faire du kimchi aliment traditionnel de la nation coréenne et célèbre comme un des 5 aliments diététiques mondiaux, le meilleur aliment du monde. Il a fait remarquer que le facteur de la transformation spectaculaire de l'usine et que les cadres du secteur de l'industrie légère ont engagé dynamiquement les masses à appliquer la politique du parti en considérant comme critère absolu l'intention du parti, selon laquelle l'usine de kimchi pour notre peuple doit être la meilleure du monde, tout en suivant fidèlement les indications de la politique du parti. Et il les a invités à œuvrer cette année aussi avec plus d'énergie pour l'amélioration de la vie de la population. Et d'indiquer... Nous avons commencé le travail de cette année par la production massive des articles indispensables à l'amélioration de la vie des habitants. À travers ces réalisations éclatantes de l'industrie légère, notre peuple s'inspire plus profondément de la confiance et de l'optimisme dont la victoire certaine du socialisme à la Corée, hautement civilisés et caractérisés par l'abondance de tout. Nous sommes appelés à faire de cette année celle de création de plus grands miracles dans les usines et entreprises de l'industrie légère. Le dirigeant suprême a dit de mettre sur pied dans toutes les provinces les usines modernes de kimchi, avec comme modèle et standard l'usine de kimchi du Gyeong, complètement industrialisée et scientifisée suivant l'intention du parti. Le dirigeant suprême Kim Jong-un s'est exprimé convaincu que le personnel de l'usine de kimchi du Gyeong remplira sa mission pour contribuer efficacement à l'amélioration de la vie alimentaire de la population avant de se faire photographier en souvenir avec lui.